Gira. Eric Adogation, la mise en onde de la RTI, Radio-Télévision Isanganiro, que vous suivez, mais depuis Bujumbura. Bienvenue à cette édition de la mi-journée, dont voici d'abord les grands titres. Deux personnes ont été tuées ce samedi. Une a été fusillée par un policier à Bouganda la nuit dernière, tandis qu'une autre a succombé des coups lui infligés à Mwanda. Et entre-temps, le chef culinaire de Murengeza Mwanda a été arrêté pour être interrogé sur son dernier meurtre. Et plus de 1600 familles restent sans abri en commune Nyanzarak. Et là, nous sommes en province et Makamba. C'est après la montée des eaux du lac Tanganyika. Des marchés ont été également touchés. Notre correspondant depuis Makamba nous en dira plus. Et surtout, le cri d'alarme de la population en détresse. Et dans la chronique nutrition de ce dimanche, c'est la consommation de la Tetradenia riparia, Umuravumba en langue d'Onare. Voilà pour l'essentiel. Je vous le disais tout à l'heure, une personne a été tuée, fusillée la nuit dernière par un policier de la position de Ndava, en zone Ndava de la commune Bouganda en province Chibitoke. Elle a été victime d'avoir interrogé un groupe de trois policiers pourquoi ils malmenaient les habitants dans leur ménage, témoigne la population de la colline Ndava. Ses habitants demandent que ce policier soit sévèrement puni côté administratif et l'administrateur communal de Bouganda, Pamphile Hakizimana, appelle cette population à la calomnie en attendant l'action de la justice. Et reportage de Jackson Bahati, lui au studio par Evariste Nzikobanyanga. Cet homme tué par balle dans la nuit de ce samedi est connu sous le nom de Festus Hakizimana. Il était chauffeur à l'entreprise Angélique qui construit le barrage hydroélectrique Kabusese dans la province Chibitoke. Mort dans l'âme, la famille du défunt ne sait pas quel sens vouer, comme l'indique sa veuve. Il rentrait du travail et moi je m'endormais. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était vendredi, car il a passé toute la nuit au boulot. Et quand il rentrait, il a été fusillé. Je ne vois pas comment la famille va survivre, car l'on vit dans une maison louée. C'est aussi le mécontentement au sein de la famille éprouvée ainsi que chez les voisins. Celui-ci est choqué par le fait que c'est la deuxième personne de la même famille tuée dans les mêmes circonstances. Notre frère a été assassiné dans ces conditions devant ses enfants et voilà notre effusillé aux yeux de ses enfants. Ce qui nous étonne, c'est le fait que ceux qui sont censés nous protéger invitent les gens qui nous assassinent solennellement. C'est vraiment honteux. Vu qu'il y a tendance de vouloir se faire justice, l'administrateur communal de Bouganda appelle au calme. Pour le moment, nous sommes en train d'essayer d'apaiser la situation pour calmer la population qui est en colère et leur montrer que la justice est là pour régler l'affaire. La population est agitée. Qu'est-ce que vous lui demandez? Nous lui demandons juste de rester calme. Pamphile Hakizimana ajoute que certains policiers soupçonnés sont déjà arrêtés et que les procédures judiciaires sont déjà en cours. Merci Evariste Nzikobanyanga. Non loin de Chibitoke, c'est une personne qui est décédée également au cours de cette nuit, de la nuit dernière, suite au coup lui infligé. Dans la nuit plutôt de jeudi à vendredi, c'est sur la colline Murengeza, commune Mwanda, dans la province de Bubanza. Les témoins sur place indiquent que ce jeune homme, surnommé Rasta, et qui porte le nom de Chongira, a été accusé d'avoir volé du maïs et dans un champ, il a été sérieusement tabassé. C'est par après que, dans un état très critique, selon la même source, il a été conduit sur une position policière. Les policiers ont refusé de l'accueillir dans un état pareil. Comme le précise les témoins, Murengeza et on l'a trouvé mort ce samedi matin, tout près du bâtiment de la zone. Il a été par la suite inhumé. Ce samedi même, le chef de colline Murengeza, tout comme l'administrateur de la commune Mwanda auparavant, tous expliquaient que les auteurs du crime ne sont pas encore identifiés et que les enquêtes ont déjà commencé. Et entre-temps, le chef de colline Murengeza, commune Mwanda de la province de Bubanza, a été arrêté par la police le matin de ce dimanche. Il a été conduit au cachot du commissariat provincial de police à Mwanda, au commissariat communal, pardon, de police à Mwanda. Selon les témoins sur place, le commissaire provincial de police explique qu'Emmanuel Ndaïla Guidje a été arrêté pour être interrogé sur la mort d'un jeune homme tué à coups de bâton. Ce samedi, sur la colline Murengeza, les habitants de cette colline font savoir également que certains présumés auteurs de ce meurtre sont en cavale depuis ce samedi. Et à Makamba, environ 280 ménages abritant plus de 1600 personnes ont déménagé en commune Nyanzala suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. L'administrateur de cette commune qui donne son bilan fait savoir que cette inondation n'a pas épargné les infrastructures publiques dont les marchés d'Omvugo, Rubindi et Mukungu, ce qui cause la chute des revenus sur des taxes communales. Ces personnes touchées vivent dans des conditions déplorables où notre reporter les a rencontrées. Goret Inarukundo sollicite l'État et d'autres âmes charitables pour une aide humanitaire. Jérôme Hakidiman. Et les célèbres aux environs de 250, ce sont les maisons détruites, envahies par les eaux du lac Tanganyika en commune Nyanzalac de la province Makamba. Le bilan fait état de 1600 personnes, dont 280 ménages qui, selon l'administration communale Nyanzalac, ont déménagé pour demander asile chez les voisins à cause de ces inondations. La montée des eaux du lac Tanganyika n'a non seulement affecté les maisons et cultures des privés, mais également les infrastructures publiques n'ont pas été épargnées. Ici, elle cite entre autres les marchés d'Omvugo, Rubindi Muguruka, ainsi que les bureaux des différentes plages de pêche, chose qui impacte même les retombées communales, car ces marchés contribuaient à renflouer les caisses communales via les taxes. Ces personnes touchées sont dans des conditions très déplorables où elles ont demandé asile, car, souligne Goret Narukundo, elles n'ont ni à mettre sous la dent ni des habits. Cette autorité communale numéro 1 tire une sonnette d'alarme aux âmes charitables et à l'État afin de leur venir en aide en leur octroyant des vivres, des habits et les tentes. Jusqu'à ce niveau, insinue l'administrateur Goret Narukundo, encombrant à la commune de s'arranger à trouver là où elle pourra provisoirement les abriter. Jérôme Hagizimana depuis Makamba, Radio Sanganiro. Merci Jérôme Hakidiman. Après une courte pause, parlons justice traditionnelle. Isanganiro. Les autorités administratives ont un rôle prépondérant dans la lutte contre la propagation des messages de haine, selon le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Ce sont eux qui régulent tous les canaux à travers lesquels ces messages sont diffusés. Dr Sixte Vignini Muraba dit qu'ils ont même la prérogative de les poursuivre même au-delà des frontières du pays suivi. Ce sont ces autorités qui sont responsables du monitoring de ces messages de haine, de ces messages violents, parce que ce sont eux qui détiennent les institutions en charge, par exemple, de réguler les médias, et ce sont eux qui doivent toujours suivre les discours, même lire dans les journaux, écouter les radios, et même voir sur les réseaux sociaux ce qui est en train d'être divulgué. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a ce genre de message, de haine ou de violence, ça veut dire que l'administration devait prendre le devant, non seulement pour éradiquer ces messages, mais aussi conseiller à ces personnes qui sont en train de divulguer ces messages pour qu'ils puissent d'abord changer. Et s'ils ne changent pas, ça sera alors l'occasion de les infliger des sanctions pour que quand même ils puissent arrêter de divulguer ce message. Notons aussi en passant que ce ne doit pas être seulement au niveau national. Les autorités ont même une compétence de saisir d'autres institutions, d'autres organes internationaux pour poursuivre les gens qui seraient en train de divulguer de mauvais messages, des personnes qui seraient peut-être en train de diviser la population. Parce que l'objectif ultime du gouvernement, c'est de se rassurer que les conditions humaines sont vraiment acceptables et que chaque personne jouit de sa dignité. D'autant plus qu'il y a un médium ou une personne qui est en train d'entacher l'image d'un citoyen burundais, c'est le gouvernement qui devait prendre le devant pour protéger cette personne et aussi protéger ses droits pour qu'il ne soit pas violé. Sixte Vignini Muraba, il est patron de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Parlons santé à présent à 13h04 sur Isanganiro. Le manque des ordres des professionnels des paramédicaux est un défi majeur au développement des services sanitaires au Burundi. Lors d'une conférence de presse ce dimanche, Mélan Sakizimana, président du collectif national des associations des cadres paramédicaux, s'inscrit en fort contre le traitement de ces cadres considérés comme aides-médecins, alors qu'ils sont spécialisés dans des domaines. Il constate que seul l'ordre des médecins et celui des pharmaciens ont été mis en place au Burundi. Il interpelle le ministère en charge de la santé de permettre aux professionnels de santé de créer des ordres suivant leur domaine. Suivez Mélance Hakidiman. Si nous parlons de la diversité des professions au niveau du secteur de la santé, il y a la profession médicale, il y a la profession infirmière, il y a la profession des pharmaciens qui s'occupent du domaine pharmaceutique. Il y a les laborantes qu'on appelle communément les technologistes biomédicaux. Il y a les nutritionnistes, il y a plusieurs catégories. Où réside le problème? Le problème est que il n'y a que les deux seules professions qui ont des ordres professionnels, la profession des médecins et la profession des pharmaciens. Donc le problème réside que les autres professions n'ont pas d'ordre professionnel. S'ils n'ont pas d'ordre professionnel, il n'y a pas d'organisation. Ils ne sont pas organisés. C'est là où réside le problème. Alors, quelle est votre demande? La demande, c'est qu'il faut laisser toutes les professions s'organiser et même être autonomes, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit au niveau des fonctions, qu'il est reconnu par la loi. Quelle sera la plus-value? Après la création des ordres professionnels, nous serons au niveau des autres pays. Donc, on va porter le niveau sanitaire au niveau des autres pays, que ce soit au niveau de l'EAC, que ce soit au niveau mondial. 23 adeptes de l'église adventiste assise au quartier Muremera en ville d'Ngozi sont au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Depuis ce samedi matin, ils ont été arrêtés par la police lors des échauffourées avec d'autres chrétiens en pleine prière. Le commissaire communal de la police dit que ces personnes ont été incarcérées en attendant la décision de l'administration provinciale et de la justice. On reviendra sur cet élément d'Apollinaire Mozagra tout de suite et chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La Tetradenia riparia, dite Muravumba, est un arbuste médicinal qui prévient et qui soigne les maladies respiratoires comme l'asthme. Gilbert Nanguahafi, expert nutritionniste, indique qu'une personne consommant régulièrement les feuilles de cet arbuste n'attrape jamais des maladies intestinales comme les vers, vu que ces feuilles contiennent des substances actives comme l'alcool. Omer Douayou. La Tetradenia riparia est un arbuste médicinal d'une pertinente importance dans des usages traditionnels. Gilbert Nanguahafi, spécialiste en nutrition, fait savoir que cet arbuste est un antibactérien naturel très utile à la santé humaine. La Tetradenia riparia, appelée aussi faux panchouri, ginger bach, antirondi, umuravumba, est un arbuste médicinal essentiel de la pharmacie familiale burundaise et guandaise. Selon les recherches Van Paiverde et ses collaborateurs ont confirmé des propriétés antimicrobiennes de Tetradenia riparia sur les candidats arbicans comme Shigella dysenteriae, Streptococcus pyogene. Cette plante contient aussi des saponines, alcaloïdes, phénol, stéroïdes, flavonoïdes, phorobatanins, diterpènes, sesquiterpènes, qui sont des substances évolatives. Selon cet expert, la Tetradenia riparia contient des éléments dont le corps a besoin, comme les saponines et l'alcool. Concernant ses bénéfices sur la santé de l'homme, la Tetradenia riparia est utilisée pour la prévention et le traitement des maladies virales, bactériennes, fongiques, induisant des inflammations et catarrhes comme l'hume, toux et autres maux de gorge comme bronchite, mycose, viloncle, abcès. Cette plante, dit toujours l'expert, prévient et soigne des maladies intestinales comme les vers intestinaux et les maladies pulmonaires comme l'asthme. Cette plante est utilisée aussi pour soigner d'autres diverses affections pulmonaires comme rhinite, asthme, grippe, angine et intestinales comme les vers intestinaux. Elle traite aussi la fatigabilité, morsure d'insectes, abcès. Le diterpène contenu dans les feuilles de Tetradenia riparia a des activités antispasmodiques de type papaverine. L'extrait de feuilles contient de l'éthanol à 80%, a une activité antimicrobienne et antivirale. Le malade peut utiliser la Tetradenia riparia sous forme de jus à l'intérieur ou sous forme de cataplasme à l'extérieur lorsque le patient est mordu. On peut l'utiliser sous forme de tisane, en jus, en inhalation, sous forme d'huile. L'huile essentielle de feuilles a une activité antiparodique modérée contre les deux souches de Plasmodium falciparum. À côté de cette utilité pour les malades, chacun est interpellé à consommer la Tetradenia riparia pour assainir son corps. Merci Omer Douaye. C'est la fin de cette édition de la mi-journée de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Elie Kadogo se trouvait de la cabine technique à la présentation. Elie Nibel, Nibigira. Excellent après-midi à tous. Au revoir.